de la taille. Jaloux me font de la peine. Je m'en souviens plus de la veille. On a traîné dans le square. Viens si tu veux nous voir. On a rodé le soir. Les jaloux me font de la peine. J'appelle le proto en face. Positif à l'alcotest. J'ai du détail dans les faits. C'est la monnaie que j'essaye de faire. J'ai passé soirée solitaire. Dans les couches j'ai somnifère. Tu sais que les pros savent y faire. T'inquiète, j'ai trouvé la faille. Ouais, on charbonne, on est taille. Faut pas finir sur la paille. Encore moins toucher le rail. J'ai la monnaie, j'ai la ride. On est chaud même quand il caille. J'ai la monnaie, j'ai la dalle. On est chaud même quand il caille. J'attends le jour de paye. J'attends le jour de paye. J'attends le jour de paye. Fais la maille everyday. J'attends le jour de paye. J'attends le jour de paye. J'attends le jour de paye. Fais la maille everyday. J'ai vu une meuf dans la nuit. Elle veut devenir ma clé. J'suis capuché mon ami. Faut pas que j'te donne mon avis. Qui va nous tester ici? Lève lève ta bécane en hi. Get wesh la police qui filme. Ça fait crier les deux ennemis. Toujours à la vue des bancs. Et comme dans mon baisse les stands. T'inquiète j'oublie pas les gants. Je sais qu'on va viser. C'est la monnaie que j'essaie de faire. J'ai passé soirée solitaire. Dans les couches j'ai somnifère. Tu sais que les pros savent y faire. Prends la fuite. Y'a les gyros, c'est une aventure. Et n'en faut pas qu'ils demandent la suite. Bouge la témoigne comme un Avengers. Tu peux me voir dans les checks. Ou me retard dans la baisse. Je cache de l'oseille dans la vie. Mais qu'on est fait. On veut que tu s'il te plaît. Il nous faut direct la paix. J'attends le jour de paye. J'attends le jour de paye. J'attends le jour de paye. Fais la maille everyday. J'attends le jour de paye. J'attends le jour de paye. J'attends le jour de paye. Fais la maille everyday. Fais la maille.